Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumé du Pré 1860. Question 114. Des attaques des démons. Les hommes sont attaqués par les démons, la tentation est leur œuvre propre, tous les péchés ne sont cependant pas commis à leur instigation. Un mot sur leur miracle. 1. Les hommes sont-ils attaqués par les démons? Écoutons saint Paul, nous avons à combattre, dit-il, non seulement contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans l'air. Éphésiens 6, 12. Il est donc clair que les démons nous attaquent. Ils le font par envie, pour troubler notre bonheur, et par orgueil, pour simuler la puissance divine. Ils déterminent le choix de ceux d'entre eux qui doivent nous combattre, comme Dieu détermine le choix des anges pour les différents ministères, mais les conditions du combat sont fixées par Dieu lui-même, qui sait se servir du mal pour en tirer un bien. Les démons nous attaquent de deux manières. Tantôt ils nous excitent au péché, sous ce rapport, Dieu, qui permet l'attaque par un secret jugement, n'envoie pas le tentateur. Tantôt ils nous attaquent pour nous châtier, alors ils sont envoyés par Dieu même, ainsi que l'ange des ténèbres fut député pour punir Achab. 3 Rois 35 et suivants. Note. Eu égard à notre infirmité, les attaques qui proviennent de la chair et du monde suffiraient à l'exercice de la vertu. Elles ne suffisent pas à la malice des démons, qui mettent en œuvre ce double moyen contre nous, mais dont les manœuvres tournent toutefois à la gloire des élus. Pour l'égalité de la lutte, nous recevons, comme supplément de force, d'abord, la grâce de Dieu, et ensuite, comme moyen secondaire, le concours des bons anges. Aussi Élisée disait-il à son serviteur, « Ne craignez rien, il y en a plus pour nous que contre nous. » 4 Rois 6, 16, fin de la note. 2. Est-ce le propre du démon de tenter? L'office propre du démon est de tenter, parce qu'il a toujours pour but de nous nuire en nous excitant au péché par ses tentations. Quand l'homme tente avec la même intention, il se fait en cela son ministre. Note. Le mot tenter se prend en différents sens, il signifie par lui-même faire une expérience sur quelqu'un pour savoir quelque chose. La fin que l'on se propose peut être bonne, mais le plus souvent elle est mauvaise. Il est des occasions où Dieu nous tente, afin que l'on voit clairement si nous l'aimons. Deutéronome 13. Un homme peut tenter un autre homme dans la vue de procurer un bien. La chair et le monde nous tentent, mais comme de simples instruments matériels. Le démon tente l'homme en sondant ses dispositions intérieures, afin de l'incliner vers le vice auquel il a le plus de propension, et, pour cela, il emploie différents moyens. La tentation qui a pour but d'entraîner au péché lui est tellement propre, qu'elle ne peut être l'œuvre de l'homme qu'autant que l'homme devient son organe. Fin de la note. 3. Tous les péchés proviennent-ils des tentations du démon? Le démon est la cause indirecte de tous les péchés, en ce sens qu'il a été l'instigateur du premier péché, d'où est né, dans tout le genre humain, l'inclination au mal. Mais on ne saurait dire qu'il est la cause directe de tous les péchés, car plusieurs sont produits par le libre arbitre et par la corruption de la nature, sans son intervention. Lors même que le démon n'existerait pas, à fort bien dit Origène, les hommes éprouveraient les attraits de la bonne chair, de la volupté, et autres semblables. Or, il y a là une grande source de désordre, surtout dans l'état de corruption où nous sommes tombés, à moins que la raison ne vienne réprimer nos penchants, ce qui dépend de notre libre arbitre. Il se peut, par conséquent, que tous nos péchés ne proviennent pas de la tentation des démons. Saint Isidore dit que, quand les hommes succombent à leurs instigations, ils sont séduits par des flatteries semblables à celles qui firent tomber nos premiers parents. Note. Dans les péchés commis sans leur tentation, les hommes méritent encore le nom d'enfants du démon, puisqu'ils prennent pour leur modèle le premier de tous les pécheurs. Fin de la note. 4. Les démons peuvent-ils séduire les hommes par des miracles? Les démons n'opèrent pas de miracles proprement dit. Si on prend ce mot dans sa signification rigoureuse, ce pouvoir est réservé à Dieu. Mais si l'on entend par miracle tout ce qui dépasse la puissance humaine, les démons peuvent, pour séduire les hommes, faire des miracles, c'est-à-dire produire des phénomènes qui nous étonnent, à cause de l'impossibilité où nous sommes de les accomplir et de les comprendre. Quoique leurs prodiges ne s'élèvent pas à la hauteur du véritable miracle, ils sont quelquefois, néanmoins, des choses réelles. Les magiciens de Pharaon produisirent de vrais serpents et de vraies grenouilles. Le feu qui tomba sur la maison de Jobet est un feu réel. Note. Les démons ne peuvent changer la nature des corps, mais ils emploient les germes qui se rencontrent dans les éléments. C'est ainsi que certaines choses, au moyen de ces germes, ont pu être transformés par leurs opérations en serpents et en grenouilles. Mais ils ne changeront pas le corps d'un homme en celui d'une bête, ils ne feront pas non plus qu'un cadavre reprenne la vie. Leurs miracles de ce genre ne sont que des apparences trompeuses, qui résultent de l'illusion des sens ou d'une forme quelconque empruntée par le démon. Les magiciens, dit saint Augustin, font des miracles souvent semblables à ceux des serviteurs de Dieu, mais ils les font dans un autre but et d'une autre manière, ils cherchent leur propre gloire, les saints cherchent la gloire de Dieu, ils agissent par des moyens secrets, les saints accomplissent leurs œuvres publiquement et par l'ordre de Dieu. Fin de la note. 5. Le démon, vaincu par un homme, est-il mis hors de combat? Le démon vaincu est mis hors de combat pour un temps, mais non pas pour toujours. Il est mis hors de combat pour un temps, car il est écrit, « Tous les moyens de tentation étant épuisés, le diable s'éloigna du Christ. » Luc 4, 13. Dieu permet certaines tentations, mais, dans sa bonté, il y met des bornes, à cause de notre faiblesse, et le diable, de son côté, ne veut pas subir coup sur coup plusieurs défaites. Mais il n'est pas mis hors de combat pour toujours, suivant ses paroles, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Matthieu 12, 44. Il revient plus tard attaquer l'homme dont il s'était éloigné. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.